Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Caprice de lecture où je suis ravie aujourd'hui de recevoir une auteure de chez nous parce qu'il s'agit de Julia Matera, originaire d'Alsace, qui m'a fait vibrer tout l'été avec ses deux romans, Le syndrome de la brasse coulée et Le fermier qui parlait aux carottes et aux étoiles. Caprice de lecture sur Fadjet. Première question. Vous avez été libraire pendant quelques années avant d'entamer votre carrière d'écrivain. Est-ce que c'est l'amour de la lecture qui vous a donné, à votre tour, envie d'écrire ? Alors, je pense que c'est l'amour de la lecture qui m'a donné envie d'être libraire, oui. Et bien avant qu'il m'a donné envie d'écrire. Ah, ok. Parce que j'ai écrit mes premiers livres quand j'étais vraiment toute jeune. J'étais adolescente quand j'ai fini mon premier livre. J'avais avoir 13-14 ans. D'accord. Et c'est vrai que très tôt, je sentais vraiment un goût pour la lecture et l'écriture. Et je crois que ça m'est venu vers mes 17 ans. Je me suis dit, il faut que je trouve un métier qui me permette d'être vraiment plongée dans le domaine de la littérature. Et donc, je suis devenue libraire. Mais j'écrivais déjà des livres quand j'ai commencé à travailler en librairie. D'accord. Donc, en fait, vous avez fait de votre passion un métier. Donc, c'est super, je trouve. Enfin, c'est génial. Oui, c'est bien. C'est ça. OK. Alors... la deuxième question va porter un petit peu sur l'amour de votre région, parce que dans vos deux livres, donc Le syndrome de la brasse coulée, et le deuxième, Le fermier qui parlait aux carottes et aux étoiles, c'est ça ? Voilà. Oui, c'est ça. Alors, on voyage partout en Alsace. Moi, je suis tombée amoureuse du livre Le syndrome de la brasse coulée. J'ai adoré, je l'ai lu d'une traite. Et... En fait, vous nous dressez aussi quand même le profil, quelque part, de l'Alsacien type. Est-ce que vous aviez besoin d'ancrer justement vos intrigues et vos personnages dans cette région qui vous tient à cœur ? C'est-à-dire que le fait de bien connaître la région vous a permis de plutôt vous concentrer sur l'intrigue. Les personnages sont quand même très complets dans les deux romans. Ça vous a quelque part enlevé de l'esprit le souci de pouvoir positionner géographiquement vos intrigues en fait, et vos histoires. Alors le choix de la région, c'est pas posé par rapport à une question de facilité, c'était surtout vraiment une question de cœur, parce que les personnages et leurs caractéristiques, je trouve qu'elles sont quand même intimement liées à l'image que j'ai de l'Alsace. Okay. Et par exemple, dans Le fermier qui parlait aux carottes et aux étoiles, j'ai choisi la vallée de Münster parce que je voulais que la vallée s'accorde avec toute la douceur et la bonhomie du personnage de Robert. Oui. Et pour moi, l'Alsace devient un personnage. D'accord. J'aurais pu classer l'histoire dans une autre région, mais surtout que moi, en tant qu'Alsacienne, j'ai peut-être un côté chauvin qui m'a poussée à valoriser ma région comme un personnage majeur. Et c'est vrai que c'est pas tant les décors qui sont importants, mais c'est aussi la culture autour de l'Alsace, puis la gastronomie. Et je trouve que voilà, pour moi, la gastronomie alsacienne, elle correspond à une image au top du top de la gastronomie alsacienne. Oui, voilà. Je suis d'accord avec vous. Et du coup, c'est marrant, non ? C'est même surprenant que vous ayez fait de l'Alsace, un personnage de tout ce roman. Je pense essentiellement au syndrome de la brasse coulée, parce que quand on voit la couverture du livre, à aucun moment on se doute que ça va se dérouler en Alsace. On imagine quelque chose de beaucoup plus aquatique, voyez ce que je veux dire ? Et on est doublement surpris et par l'intrigue et justement par cette couverture de livre qui un petit peu nous rend un peu curieux. Donc c'était vraiment une très belle découverte. Alors on va faire une petite coupure musicale avec M et son bal de Bamako. Bal de Bamako, bal de Bamako, bal de Bamako. J'étais dans la comme un vertige sur la ville, moi l'homme hibou blanc imbécile dans un boubou pas très agile. peut-être même que ça m'érotise, que j'idéalise. Malice au Mali des merveilles, le Mali Dieu créa la flamme. Le Mali danse dans mon âme. Béni soit qui Mali pense, qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au Mali danse, au son des balles de Bamako. Moi le capitaine, tu danses pas, sois le croque-mitaine. La voix arrive par la droite, il reste une chance et sois pas maladroite. Fais le décalement, ouais carrément, vire-le, on le fasse légalement. Si tu penses, c'est que c'est possible, aujourd'hui c'est dimanche, demain aussi. Béni soit qui mal y pense, qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au mal y danse, au son des balles de Bamako. Prise de lecture sur Fadjet. Le syndrome de la brasse coulée est pour moi un titre à la fois évocateur et mystérieux, mais c'est aussi un vrai régal, c'est un vrai roman feel good qu'on ne lâche pas du début à la fin. Est-ce qu'il y a un peu dans les personnages ou même dans le déroulé de l'intrigue une part d'autobiographie ? Les personnages sont tellement vivants, on a vraiment l'impression que vous, bah justement, que vous avez vécu avec eux ou que vous les connaissez très bien. Alors, je pense que il y a toujours un petit peu de soi dans les livres qu'on écrit, mais il y a aussi des gens qui nous entourent. Oui. Et ça vient au fur et à mesure de l'écriture du livre. Pour moi, le caractère autobiographique qui ressort dans le syndrome de la brasse coulée, c'est simplement que l'idée de ce livre était venue il y a quelques années quand je faisais de la rééducation, parce que je m'étais un petit peu cassé le dos quand j'étais libraire, de porter des cartons. C'est pas comme si on soulevait des kilos et des kilos toute la journée. Exactement, oui. Force de porter des kilos de livres, j'ai le dos qui était un petit peu en miettes, et donc je prenais des petits cours de natation, et c'est lors de ces séances de natation que j'ai pu observer des petites mamies qui se retrouvaient tous les jours à la piscine pour papoter, et puis j'observais le maître nageur qui semblait s'ennuyer ferme parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, et c'est là que m'est venue l'idée, donc... Oui, il y a toujours une part d'autobiographie. Et après, il y a d'autres personnages. On se rend compte qu'ils ressemblent aussi à des gens qui nous entourent. Et j'ai une amie qui m'a un petit peu inspirée pour le personnage de Momo et ses deux filles. Oui. Et c'est vrai qu'elle s'est reconnue en le lisant. Elle m'a dit, mais tu as fait exprès. Je crois que j'étais inconscient. Mais au fond, et au bout d'un moment, quand j'écrivais le livre, je pensais très, très fort à toi. Ah ouais, mais c'est chouette. Du coup, parce que vous rendez aussi hommage aux gens que vous aimez et que vous appréciez. Donc, c'est chouette aussi. C'est bien. Alors, sur le site internet Caprice de lecture, moi, je vous avais surnommé dans la chronique la Virginie Grimaldi alsacienne. Parce que vos livres font à la fois du bien au corps, au cœur et à l'âme. C'est-à-dire qu'on ouvre un de vos deux romans, même si on n'a pas le moral et que ça n'a pas été la meilleure des journées de l'année, tout de suite, ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Il y a plein de petites scènes, je vais dire, où on a toujours le sourire aux lèvres, en fait. Est-ce que vous pourriez dire que vous avez trouvé votre style, plutôt le feel good et, alors évidemment, et l'histoire de l'Alsace dont vous avez fait un personnage, hein, comme vous disiez précédemment, mm-hmm. ou est-ce que vous pensez peut-être vous essayer à d'autres styles littéraires? Je crois que j'ai trouvé mon style parce ouais. que avant d'écrire Le fermier qui parlait aux carottes et aux étoiles, le syndrome de la braque coulée, j'ai déjà essayé à d'autres genres littéraires okay. comme le fantastique pour ados, même de la romance historique. J'ai touché à pas mal de choses, même ouais. du polar très noir. Ok. Et j'ai l'impression de m'être trouvée et comment dire, quand je commence un livre un peu feel good. Je me sens chez moi et je me sens tellement bien que là, pour le moment, je ne me vois pas écrire autre chose. C'est vraiment un genre dans lequel je m'épanouis. Oui. Et là, comme vous l'avez dit, si vous vous sentez bien et dans oui. votre bulle, moi, quand j'écris, je me sens aussi bien dans ma bulle. Donc, je n'ai pas particulièrement envie d'arrêter. Oui, et vous avez bien raison. On va faire une petite pause avec Purple Disco Machine et Devil and Me. Caprice de lecture sur Fadjet. Dernière question, Julia. Quels sont vos prochains projets? Alors, que ce soit pour cette rentrée littéraire, hein, qui c'est toujours un événement marquant dans l'année, ou pour l'année 2023, est-ce que vous êtes en train de nous concocter un nouveau roman? Ou est-ce que, voilà, est-ce qu'on peut avoir quelques pistes? Alors, ce serait plutôt pour 2023, okay. je pense, parce que le livre est à peine amorcé, mais j'ai déjà une bonne base. Et alors, ce sera vraiment toujours dans un esprit un peu feel good, mais qui prendra une direction un peu différente, parce que là, je vais plutôt m'atteler à du polar régional, mais comique. Hein. D'accord. Et, donc, c'est très original. Je trouve ça assez original, ouais. C'est bien, c'est chouette. L'idée me plaisait de mêler gastronomie à l'alsacienne avec des mamies qui enquêtent dans un charmant village alsacien autour d'un restaurant où il se passe des choses pas très habituelles. Alors, voilà. Ce serait un cozy mystery made in Alsace. Exactement. Ok. Oh, j'ai hâte de découvrir ça. Alors, on va faire une dernière pause musicale avec PS Je t'aime de Christophe Wilhelm. Tu sais, si je pars, je me souviendrai de tout. Dans la nuit, les phares que tu posais sur mes joues. À l'amour comme à la vie comme à la guerre. Je sais, j'avais promis, mais moi, tout s'achète à faire. C'est quoi le tu changes de chaîne. PS, je t'aime, c'est quoi le problème? Ce que je sais, pourquoi c'est pas idem? PS, je t'aime, PS, je t'aime, PS, je t'aime, PS, je t'aime, PS, je t'aime, PS, je t'aime, PS, je t'aime, PS, je t'aime, PS, je t'aime, PS, je t'aime, PS, je t'aime, PS, je t'aime, PS, je t'aime, PS, je t'aime, PS, je t'aime, PS, je t'aime, PS, je t'aime, Caprice de lecture sur Fadjet. Julia, est-ce que vous souhaitez nous faire le caprice de la semaine? Est-ce que vous souhaitez nous parler de quelque chose que vous avez beaucoup aimé et que vous souhaiteriez faire partager à nos auditeurs? Oui. Ouais. Alors, allez-y, oui, c'est à vous. Alors, pour mon caprice, ce sera la dernière lecture que j'ai pu faire pendant mes vacances. Oui. Et ce sera dans Le murmure des feuilles qui dansent d'Agnès Leving. Oui. Donc, c'est un livre qui est très fort et très doux à la fois et qui nous plonge dans le quotidien d'Anaël et de Thomas. Et donc, Anaël, au début de l'histoire, on découvre qu'elle écrit un roman et elle va s'adresser à un procureur pour avoir des informations pour écrire ce livre. Et il va y avoir une belle histoire d'amitié qui va se nouer entre eux et qui permet à Anaël de dépasser certaines de ses faiblesses. Et en parallèle, on suit le quotidien très difficile de Thomas, qui est un jeune menuisier et dont le petit frère est gravement malade. Donc, c'est un livre que j'ai trouvé extrêmement touchant, surtout quand on lit les passages avec Thomas qui essaye de rendre le quotidien de son petit frère féerique, on va dire, parce que Thomas a un rapport à la nature qui est vraiment pur et on a l'impression d'être toujours plongé dans un merveilleux conte de fées alsacien. D'accord. Parce que on a vraiment une empreinte alsacienne avec les lieux, la description des forêts. Et c'est un livre qui nous rappelle qu'il faut profiter de chaque instant, oui, et voir du merveilleux même quand tout semble s'effondrer. Voilà. Bon, merci beaucoup Julia, merci d'avoir accepté cette interview en radio. Je rappelle que vous pouvez retrouver les chroniques de vos deux romans sur capricedelecture.fr. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Au revoir.